Auditeurs à l'écoute des programmes de la radio de la Koura, bonjour et bienvenue à l'émission Espace Environnement. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui est en train d'être exécuté par l'Agence consultative en éthique de la coopération internationale ACC. Il s'agit du projet Femmes et Climat, un projet qui, comme va nous l'expliquer la directrice de l'Agence consultative en éthique de la coopération internationale, s'inscrit dans la logique de la lutte contre le paludisme tout en contribuant à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique. L'émission, c'est Espace Environnement. Bonjour et bienvenue. La lutte anti-malaria et le développement durable sont les axes d'intervention de l'Agence consultative en éthique de la coopération internationale. C'est dans cette logique que la CECI fait la promotion de la catère au Burundi, une plante qui fournit des produits anti-moustiques d'une grande efficacité. Au cours de l'année 2016, la CECI a lancé le projet Femmes et Climat, un projet qui, comme nous l'explique la directrice de la CECI, Ginette Karil-Kinyana, vient en réalité renforcer le projet initial sur la catère, dans ce sens qu'il consiste à planter des arbres ayant des vertus médicinales afin de lutter contre certaines maladies dont le paludisme, tout en contribuant à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique. La CECI, c'est une ONG canadienne fondée à Québec, au Canada, en 2007. On existe au Burundi depuis 2011 avec le projet CATER. C'est le projet CATER qu'on est venu implanter dans le but de lutter contre le paludisme en utilisant la plante qu'on appelle la CATER, mais aussi les plantes d'ici, les plantes environnantes, mais aussi dans une vision du développement durable. Donc, on fait tout en nous basant sur le développement durable, sachant bien qu'on est dans un pays pauvre, où les gens sont matériellement pauvres, où l'environnement n'est pas toujours tenu en considération, alors que c'est la source de tout, où il y a une sorte de pauvreté matérielle, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent. Donc ce qu'on fait, c'est de créer des revenus et de susciter l'entrepreneuriat qui crée des richesses. Vous avez lancé vos activités depuis 2013 et si vous essayez de faire un regard rétrospectif, est-ce qu'on peut dire que vous avez des réalisations qui sont encourageantes? Ça se passe bien. D'ailleurs, cette année en 2017, la CECI fête 10 ans d'expérience en matière de développement international. En 2014, on a lancé les produits Calilé Product. Calilé Product, c'est toujours ces produits à partir de la catère, mais aussi des plantes. Parmi les produits, on a les produits anti-moustiques, la gamme Bye Bye Malaria, parce que nous avons comme objectif ultime d'éradiquer le paludisme au Burundi et dans les pays africains. C'est possible. Tout ça en utilisant les plantes locales. On a aussi la gamme des désinfectants, parce que pour lutter contre la malaria, il faut aussi assainir l'environnement. Le premier environnement le plus proche, c'est notre habitat, notre maison. Alors, il faut désinfecter avec les produits qui sont naturels et qui viennent de ces plantes-là. Par exemple, la catère, la citronnelle, l'eucalyptus et d'autres plantes autochtones d'ici. Troisième gamme, on fait les arômes de bonté et boissons santé. C'est les tisanes qu'on offre à nos visiteurs ici à la CECI, qu'on vend déjà au restaurant L'Officine et qu'on vend comme tisane que les gens apprennent à utiliser à la maison à la place du thé et du café. Il y a cette gamme-là et ça aide beaucoup, beaucoup de gens. Depuis 2014, les gens nous reviennent avec de bons témoignages. Très encourageant. Nous avons aussi la gamme des produits cosmétiques. Parce que ces plantes ont des vertus qu'on peut utiliser à l'intérieur comme boisson, mais aussi à l'extérieur comme un extrait de l'huile essentielle. On le mélange avec l'huile végétale pour en faire des crèmes, pour en faire des lotions, pour en faire des démaquillants, des shampoings, tous les produits de beauté dont les gens ont besoin du matin au soir. Et de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, c'est comme ça qu'on gâte nos clients, nos partenaires, avec ces produits à 100% naturels et biologiques. Vous venez d'énumérer toute une gamme de produits. Est-ce qu'on peut dire que ces produits correspondent au pouvoir d'achat de la population burundaise? Pas toujours, pour être franc. Il y a des produits qui sont accessibles, mais il y a d'autres produits haut de gamme qui sont très chers parce que c'est destiné aux gens qui ont plus d'argent, qui sont plus nantis. Alors, je peux citer par exemple le savon. On vend 2 savons à 2000 francs, c'est moins $1. Un savon qui a des vertus anti-champignons, antifongiques et antibactériennes, qui a vraiment des effets immédiat. Les gens qui utilisent ont des résultats positifs sur la peau. Les gens sont très satisfaits. C'est moins cher et c'est efficace comme savon. Et surtout, depuis 2 ans qu'on l'a lancé, aujourd'hui, ça se vend comme des petits pains. C'est le produit qui a le plus frappé les gens parce que moins cher, accessible et efficace. On l'utilise tous les matins, tous les soirs, chaque fois dans la vie courante. Et surtout, et ça c'est très important, les enfants peuvent l'utiliser. Sur les bébés, contre les boutons de chaleur, tout le monde peut l'utiliser, femme comme homme. C'est pour cela que c'est un produit très, très aimé. Il y a aussi des bougies de 500 francs. Mais il y a aussi des produits au plus cher qui sont des produits anti-rides, par exemple. Les crèmes, les produits de beauté dont je parlais. Les crèmes, les nettoyants, les tonifiants, tous ces produits de luxe. Parce qu'en même temps, tu peux utiliser un savon simple pour te laver la tête et en même temps, tu peux utiliser un shampoing traitant si tu en as les moyens. Et nous, ça nous avantage parce qu'on est là pour susciter l'entrepreneuriat. À un moment donné, on espère nous autofinancer. Revenons sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et dernièrement, vous avez lancé un projet, Femmes et Climat. C'était dans la semaine de l'épargne, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous faire les détails sur ce projet? Qu'est-ce que vous visez? Merci beaucoup pour cette question. Femmes et Climat, c'est un projet qu'on a lancé fin 2016 pour continuer à le mener en 2017. Femmes et Climat vient du projet CATER dans la lutte contre le paludisme. Vous comprenez que les gens qui nous fournissent les matières premières, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont compris l'importance de la nature. Quand on utilise les produits de la nature, ces arbres, ces herbes et tout ça que la nature nous donne gratuitement, il faut les replanter. Pourquoi il faut les replanter? Parce qu'on en a besoin sur le plan santé, sur le plan bien-être, mais on en a besoin pour protéger notre environnement. Alors, on fait planter les arbres et les herbes à caractère anti-moustique, anti-paludéen. Ça, c'est le critère de plantation des arbres et des herbes. C'est les plantes anti-érosives pour protéger l'environnement contre les érosions. Et vous savez combien notre pays est vulnérable de ce point de vue et au changement climatique. Les plantes à haute valeur nutritive pour parier à la faim. Alors, il y a des plantes, par exemple le moringa. Le moringa, c'est un arbuste dont les feuilles se mangent. Un arbuste qui participe à la fertilisation du sol et qui, en même temps, protège le sol contre l'érosion. En même temps, on peut en faire des huiles. Et les huiles, on l'utilise dans les cosmétiques. Et c'est nutritif aussi. Tout ça, c'est l'exemple de plantes qu'on plante dans notre projet Femmes et Climat qui contribue à ça. Je dirais aussi le nîmes. Le nîmes, c'est une plante qui guérit plus de 40 maladies, dont le paludisme. C'est connu. C'est une plante anti-érosive et c'est une plante dont les feuilles se consomment comme tisane. Donc, on a identifié des plantes pour faire des jardins utiles. C'est beau, c'est utile, on en consomme, ça protège l'environnement et ça nous nourrit. Et ça crée des revenus auprès des populations qui les utilisent. Qui les cultive. Ça, c'est vraiment un projet du développement durable, un projet accessible à la population et un projet dont on a obtenu le financement aussi. Un projet qui influence aussi le climat parce que ces arbres contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Exactement. Aussi, on a mis l'accent sur Femmes et Climat parce que justement, on veut contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation des effets des changements climatiques. Et vous savez que le Burundi est un des pays les plus vulnérables au paludisme du fait même des changements climatiques. Vous savez par exemple qu'avant, on pensait que le paludisme, c'est une maladie de la plaine. Mais aujourd'hui, les provinces les plus vulnérables, c'est les hautes montagnes, du fait justement des changements climatiques. Et vous savez jusqu'à quel point ça tue. Alors, en sensibilisant les gens dans les provinces hyper-endémiques, on sensibilise les gens à protéger l'environnement, à participer à l'atténuation des effets du changement climatique, à s'adapter aussi, mais en même temps à se protéger contre le paludisme et en même temps à se faire de l'argent et en même temps à apprendre comment se nourrir, parce qu'avant, les gens ne savaient pas si les feuilles de moringa étaient nutritives. Ils ne savaient pas qu'on pouvait consommer ça comme aliment. Ils ne savaient pas que les feuilles de nîmes pouvaient se consommer comme tisane. L'artémisia, par exemple, ça pousse à Bujumbura, ça pousse à l'intérieur du pays. Et ça peut devenir une herbe sauvage. L'acathère, ça, c'était pas connu. On l'a introduit au Burundi et ça, ça peut se planter au milieu des moringas et au milieu des nîmes. N'oubliez pas, en même temps, on fertilise le sol grâce à ces plantes-là. Pourquoi le binôme femme et climat? Est-ce que vous ne voyez pas que ce projet pourrait être consistant si c'est climat et homme en général? Oui, vous savez, quelqu'un disait quand je dis homme, j'embrasse les femmes. Eh bien, moi aussi je dis quand je dis femme, j'embrasse les hommes. Sauf que, quand même, on sait que les femmes contribuent à la détérioration de l'environnement en coupant les arbres, comme bois de chauffage, dans l'agriculture et tout ça. Alors, au lieu d'être acteur destructeur de l'environnement, la femme devient celle qui participe à bâtir un environnement vivable, durable. Donc, ça c'est un. En plus, quand on met en place une association, une coopérative des femmes, on n'oublie jamais les hommes. Mais on exige qu'il y ait au moins 65% de femmes dans l'association pour être sûr que les revenus de cette association vont servir au ménage, vont être bénéfiques au ménage, mais pas à la boisson. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les femmes, mais c'est aussi qu'on a constaté que les femmes, c'est la classe la plus vulnérable du point de vue matériel, pauvreté. On crée des emplois auprès des femmes pour les rendre moins dépendantes à l'égard des hommes et pour les valoriser sur le plan de ménage. Les femmes, ce sont les premières victimes des effets du changement climatique. C'est pour cette raison même que vous avez articuler votre projet sur le binôme femmes et climat. Exactement, merci de me suggérer cela, c'est exactement ça, parce que les femmes sont vulnérables du point de vue pauvreté, du point de vue environnement, avec ces maladies. Et puis, à un moment donné, dans un pays comme le Burundi, on dit que les femmes sont les plus démunies sur le plan terre même. Alors, en les organisant autour des activités génératrices de revenus, on leur donne des raisons de vivre. Dans la théorie, avant tout projet, on doit d'abord analyser les forces, les opportunités, les menaces, les faiblesses aussi. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de gymnastique? Avant de se mettre ce projet aux bailleurs de fonds, qui sont l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, Bruxelles Environnement, une ONG française, More Forest, et puis Haguruka, qui est une association des femmes burundaises basées à Toronto, au Canada, eh bien, on doit étudier et montrer à quoi ça va servir, à quoi ça va être bénéfique aux communautés, mais aussi les risques et puis les points faibles de ce projet. Notamment dans ce projet, il y a surtout les forces, les bienfaits de ce projet sur les conditions de vie. Quand il y a les risques et les faiblesses, on essaie de trouver quand même des solutions. Bon, comme faiblesse, ici, on est dans un petit pays où les femmes qu'on cible comme bénéficiaires n'ont même pas de terre. Alors, comment faire? Ça, c'est vraiment le maillon faible de notre projet. Comment faire pour accéder? C'est pour cela que, un, Haguruka nous donne quand même cet argent qu'on peut mettre à la disposition des femmes pour louer les terres. Les femmes se mettent ensemble, prennent un crédit auprès de ce fonds qui vient de Haguruka. Ça a eu lieu ici à Gatumba. C'est ce qu'on a fait. On veut mettre un fonds à la disposition de ces femmes, de cette association des femmes. Cette association va exploiter maintenant ce lopin de terre loué grâce à ce fonds. Et maintenant, l'argent qui va sortir de ce qu'elles vont vendre chez nous va servir pour leurs besoins et pour rembourser le crédit. Ça, c'est un. Deux, pour parier aux terres, on a travaillé maintenant avec les diocèses, les paroisses. Parce que vous savez qu'il y a des terres publiques domaniales, mais il y a aussi l'Église catholique qui a quand même pas mal de terres non exploitées. Par exemple, dans le diocèse de Bubanza, qui compte deux provinces, Bubanza et Cibitoke, maintenant on travaille avec les paroisses qui mettent à la disposition des communautés des terres à des fins du projet Femmes et Climat. Ça, c'est aussi comme ça qu'on a essayé de répondre à ce problème-là. Madame, c'est une autre opportunité que vous pourriez peut-être exploiter avec l'engagement du Burundi. C'est le bon challenge. Le Burundi a accepté de restaurer des millions d'hectares. Vous ne pensez pas que c'est une opportunité que vous pouvez aussi exploiter, vous aligner sur la volonté du gouvernement? Merci de l'information. Et justement, à ce sujet, je pense qu'on est en discussion avec le PNUD qui pourrait contribuer à un de projets autour du lac Tanganyika. On va planter ces plantes-là. On va planter les plantes anti-érosives pour protéger le lac Tanganyika et le financement viendra du PNUD. Dans tous les cas, notre projet Femmes et Climat répond à ce genre de problématiques et puis contribue aussi comme réponse et surtout pourrait être valorisé. On pourrait l'agrandir, lui donner encore plus de moyens grâce à ses engagements. Et d'après les explications que vous venez de nous fournir, on comprend très bien que vous êtes déjà sur le terrain. Vous êtes dans quelle province? Vous êtes dans quelle commune? Quand on a commencé à lancer le projet Femmes et Climat, on avait ciblé 3 provinces. Je vous ai dit qu'on travaille avec le diocèse. Le diocèse qui comprend 2 provinces, déjà Bouvanza et Chibitoke, Kayanza et puis Gitega, en passant par Muramvya. C'est la partie nord et puis ici, c'est l'ouest du Burundi. C'est déjà ça. Si on avait plus de moyens, on implanterait le projet Femmes et Climat dans tout le Burundi. C'est ce qu'on espère. Vous dites que vous travaillez dans la province de Bubanza et la province de Muramvya. Est-ce qu'il y a des raisons qui vous ont poussé à d'abord travailler dans cette région? D'abord, la vulnérabilité de ces provinces-là sur le plan paludique. La disponibilité des terres aussi. Et puis, la capacité des communautés à s'organiser. Par exemple, le diocèse de Bubanza, c'est l'évêque lui-même qui est venu nous demander la collaboration. Ça rend la chose facile, ça rend notre travail facile. Et en plus, ils ont mis à notre disposition les terres. Ils avaient plus de 150 hectares disponibles qu'on pouvait exploiter. Donc ça, c'est aussi une facilité. Et puis, les communautés s'organisaient autour des paroisses et grâce à l'implication des curés des paroisses. En Muramvya, on avait une association qui était déjà active sur le plan environnement, Dukingiri Kibira, pour la protection de la forêt Kibira. Cette association était déjà bien organisée, ils avaient déjà des espaces, donc il suffit seulement qu'on s'entende sur la planification des activités à faire, elles sont à l'œuvre. Maintenant, il y a Kayanza, il y a aussi Gitega. Kayanza, parce qu'il y a le facteur géoclimatique qui est très favorable à des plantes qu'on ne peut pas trouver ici dans la plaine. Mais l'avantage aussi de Bubanza, c'est qu'il y a des microclimats aussi. Il y a le Migwa, il y a la plaine et il y a les montagnes aussi. Et à Kayanza, c'est la même chose. Il y a aussi géoclimatiquement intéressant. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, on a quand même trouvé des communautés qui sont prêtes à s'impliquer dans le projet. Et puis Gitega. Gitega, c'est central, c'est grand comme province, c'est deuxième capitale du pays. Et en dehors, il y a des espaces aussi. On a à Makebuko, le prêtre dominicain Deo, qui a un centre à Gakura, qui plante les plantes dont on a besoin aussi. Donc ça, c'est aussi des facteurs facilitant la collaboration avec les communautés. Vous travaillez avec les femmes. Est-ce que ce sont les femmes qui sont dans des coopératives, dans des associations, ou vous travaillez avec les individus isolés? Non, on travaille toujours avec les femmes qui sont dans les associations. Mais encore une fois, j'ai dit que l'association doit comprendre au moins 65% des femmes. Mais qui sont organisés dans l'association Agakura de Makebuko, l'association Dukingiri Kibira, plus de 300 femmes, mais aussi les hommes qui sont dedans. On essaie de ne pas travailler avec les individus. Même quand les individus nous disent avoir des propriétés non exploitées, on leur demande de créer une association autour de ces propriétés-là pour multiplier l'impact au niveau communautaire. Pas qu'il y ait un seul qui en profite, mais la communauté. On est presque à la fin de notre émission. Madame, c'est la ministre de l'écologie française qui le disait, c'était au cours de la COP 21, sinon de la COP 22, qui disait que l'avenir du climat en Afrique est entre les mains des femmes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je suis absolument d'accord. Vous savez que au Burundi, comme dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut faire de ces femmes une force de travail. Ça, c'est certain. Une force de travail pour construire notre humanité, pour construire notre patrimoine mondial, pour construire notre environnement. C'est là où on travaille beaucoup. En plus, les femmes ont une sensibilité que les hommes n'ont pas par rapport à la mère nature. Alors, si elles sont sensibilisées, bien convaincues, elles peuvent mieux préserver la nature et l'environnement. Et puis, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une famille. Donc, les femmes peuvent maintenant transmettre leur savoir-faire aux enfants. C'est peut-être un message à l'endroit des femmes qui se trouvent dans ces localités, dans la province de Bubanza, Muramvya, vous avez dit. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à ces femmes pour qu'elles puissent finalement adhérer à votre projet? Je m'adresse aux femmes comme moi, pas seulement les paysannes, mais aussi les femmes intellectuelles, les femmes qui comprennent les enjeux mieux que les paysannes. De vraiment s'impliquer dans les changements climatiques. Et vous savez, nous sommes dans un beau pays où tout pousse, où on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de ce pays un vrai paradis environnemental. Ça, c'est un message adressé aux femmes. Mais j'ai un message adressé aussi aux bailleurs de fonds. Vous savez, les enjeux des COP autour des changements climatiques, c'est un enjeu de financement. Il y a beaucoup d'argent qui circule autour de ça, mais il faut que cet argent arrive jusqu'à la dernière des femmes au fond de son village. C'est à travers des ONG comme nous qu'on peut maintenant distribuer ces richesses et faire à quoi cet argent est destiné. Et j'en profite pour remercier l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, par lequel on obtient l'argent des gouvernements comme la Wallonie-Bruxelles ou Québec, ou le gouvernement du Québec ou Canada ou ailleurs. Vraiment, je suis très, très satisfaite du fonds qu'on a reçu pour travailler sur le projet Femmes et Climat. Mais j'espère, parce que le projet commence et se termine à un moment donné, j'espère ne pas m'arrêter ici, à ce petit projet pilote, mais continuer pour augmenter l'impact sur le plan Burundi. Parce que à peine les gens commencent à entendre ces enjeux-là sur les changements climatiques. Donc, on doit continuer. Si on réussit dans un pays comme le Burundi, le petit pays, on peut multiplier ça dans d'autres pays qui ont des ressources plus importantes, comme au Congo, par exemple, ou dans des pays autour de chez nous. Vous n'avez pas un message particulier au pouvoir public? Au pouvoir public, j'ai quand même le plaisir de travailler avec le ministère de l'Environnement très étroitement, surtout à travers le réseau Population, Santé et Environnement. Je voudrais m'adresser à d'autres ministères, parce que le ministère de l'Environnement essaye de comprendre le lien qui existe entre l'environnement, la santé et les enjeux économiques. Et ce n'est pas tous les ministères qui comprennent. Par exemple, le ministère de la Santé. Quand on leur parle de l'environnement, des changements climatiques au ministère de la Santé, ils ne comprennent pas que si nous avons des mauvaises conditions climatiques, ça a un impact sur la santé. Donc, il faut qu'ils s'ouvrent à ça. Si les gens sont mal nourris du fait de la mauvaise récolte et tout ça, ça a un impact sur la santé, sur la malaria et tout ça, sur d'autres maladies. S'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas trouver des solutions globales. Donc, j'appellerai les différents ministères à travailler étroitement. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, c'est dans l'ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous disons merci à vous tous qui avez suivi l'émission Espace Environnement. Vous aurez compris qu'on a parlé du projet Femmes et Climat, un projet dont le promoteur est l'Agence consultative en éthique de la coopération internationale. Encore une fois, nous disons merci à la directrice de la CECI, Mme Ginette Kadekinyana, pour les explications qu'elle nous a fournies sur ce projet. À la présentation, c'était Claveria Kizimana. On se retrouve samedi à la même heure.